Section 21 de Essai sur les révolutions, suivi des études historiques par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Préface, suite. Passons aux écrivains de l'école moderne du système fataliste. Deux de ces écrivains attirent particulièrement l'attention. Unis entre eux du triple lien de l'amitié, de l'opinion et du talent, ils se sont partagés le récit des fastes révolutionnaires. M. Mignet a resserré dans un ouvrage court et substantiel le récit que M. Thiers a étendu dans de plus larges limites. On trouve dans le premier une foule de traits tels que ceci. Les révolutions qui emploient beaucoup de chefs ne se donnent qu'à un seul. En révolution, tout dépend d'un premier refus et d'une première lutte. Pour qu'une innovation soit pacifique, il faut qu'elle ne soit pas contestée, car alors, au lieu de réformateurs sages et modérés, on n'a plus que des réformateurs extrêmes et inflexibles. D'une main, ils combattent pour défendre leur domination, de l'autre, ils fondent leur système pour la consolider. Le portrait de Danton est supérieurement tracé. Danton, dit l'auteur, était un révolutionnaire gigantesque. Danton, qu'on a nommé le Mirabeau de la populace, avait de la ressemblance avec ce tribun des hautes classes. Ce puissant démagogue offrait un mélange de vices et de qualités contraires. Quoiqu'il se fût vendu à la cour, il n'était pas pourtant vil, car il est des caractères qui relèvent jusqu'à la bassesse. Une révolution, à ses yeux, était un jeu où le vainqueur, s'il en avait besoin, gagnait la vie du vaincu. La lutte de Robespierre contre Camille Desmoulins et Danton est représentée avec un grand intérêt, et l'historien entremêle son récit des discours et des paroles de ces hommes de sang. Danton, au moment de périr, pesait ainsi ses destins. « J'aime mieux être guillotiné que guillotineur. Ma vie n'en vaut pas la peine, et l'humanité m'ennuie. » On lui conseillait de partir. Partir ? Est-ce qu'on emporte sa patrie à la semelle de son soulier ? Enfermé dans le cachot qu'avait occupé Hébert, il disait « C'est à pareille époque que j'ai fait instituer le tribunal révolutionnaire. J'en demande pardon à Dieu et aux hommes, mais ce n'était pas pour qu'il fût le fléau de l'humanité. » Interrogé par le président Dumas, il répondit « Je suis Danton, j'ai 35 ans, ma demeure sera bientôt le néant. » Condamné, il s'écria « J'entraîne Robespierre, Robespierre me suit. » Ici, la terreur a passé dans le récit de l'historien. L'auteur, parlant de la mort de Robespierre, dit « Il faut, homme de faction, qu'on périsse par les échafauds comme les conquérants par la guerre. » C'est l'éloquence appliquée à la raison. M. Mignet a tracé une esquisse vigoureuse. M. Thiers a peint le tableau. Je mettrai particulièrement sous les yeux de mes lecteurs la mort de Mirabeau et celle de Louis XVI, d'autant plus que l'auteur, n'ayant pas à représenter des personnages plébéiens objets de ses prédilections, admire pourtant. La vérité de sa conscience et de son talent l'emporte en lui sur la séduction de son système. Je sens moi-même que si j'avais à parler comme historien de Mirabeau et de Louis XVI, je serais plus sévère que M. Thiers. Je demanderais si tous les vices du premier étaient ceux d'un grand politique, si toutes les vertus du second étaient celles d'un grand roi. Mirabeau, dit l'auteur, et l'on ne saurait mieux dire, Mirabeau, dans cette occasion, frappa surtout par son audace. Jamais, peut-être, il n'avait plus impérieusement subjugué l'assemblée, mais sa fin approchait, et c'était là ses derniers triomphes. La philosophie et la gaieté se partagèrent ces derniers instants, pâles et les yeux profondément creusés. Il paraissait tout différent à la tribune, et souvent il était saisi de défaillances subites. Les excès de plaisir et de travail, les émotions de la tribune, avaient usé en peu de temps cette existence si forte. Une dernière fois, il prit la parole à 5 reprises différentes. Il sortit épuisé et ne reparut plus. Le lit de mort le reçut et ne le rendit qu'au Panthéon. Il avait exigé de Cabanis qu'on n'appelât pas de médecin. Néanmoins, on lui désobéit. Ils trouvèrent la mort qui s'approchait et qui déjà s'était emparée des pieds. La tête fut la dernière atteinte, comme si la nature avait voulu laisser briller son génie jusqu'au dernier instant. Un peuple immense se pressait autour de sa demeure et encombrait toutes les issues dans le plus profond silence. Mirabeau fit ouvrir ses fenêtres. « Mon ami, dit-il à Cabanis, je mourrai aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à s'envelopper de parfums, qu'à se couronner de fleurs, qu'à s'environner de musique, afin d'entrer paisiblement dans le sommeil éternel. » Des douleurs poignantes interrompaient de temps en temps ses discours, si nobles et si calmes. « Vous aviez promis, dit-il à ses amis, de m'épargner des souffrances inutiles. » En disant cela, il demande de l'opium avec insistance. Comme on le lui refusait, il l'exige avec sa violence accoutumée. Pour le satisfaire, on le trompe et on lui présente une coupe en lui persuadant qu'elle contient de l'opium. Il la saisit, avale le breuvage qu'il croit mortel et paraît satisfait. Un instant après, il expire. C'était le 20 avril 1791. L'assemblée interrompt ses travaux. Un deuil général est ordonné, des funérailles magnifiques sont préparées. On demande quelques députés. « Nous irons tous » s'écrièrent-ils. L'église de Sainte-Geneviève est érigée en Panthéon, avec cette inscription qui n'est plus à l'instant où je raconte ces faits. « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. » L'inscription est replacée. Y restera-t-elle ? Qui sait ce que renferme l'avenir ? Qui connaît les grands hommes et qui les juge ? Je ne veux rien poursuivre sous le couvercle d'un cercueil. Quand la mort a appliqué sa main sur le visage d'un homme, il ne reste plus d'espace à l'insulte. Mais les passions politiques sont moins scrupuleuses, et pourvu qu'une révolution dure quelques années, il est peu de gloire qui soit en sûreté dans la tombe. En comparant le récit de M. Thiers à celui de Mme de Staël, on pourra saisir quelques-uns des secrets du talent. Passons à la mort de Louis XVI. L'innocence de la victime s'emparant du génie de l'auteur le subjugue et se reproduit tout entière dans ses éloquentes paroles. Dans Paris régnait une stupeur profonde. L'audace du nouveau gouvernement avait produit l'effet ordinaire que la force produit sur les masses. Elle les avait paralysées et réduites au silence. Le conseil exécutif était chargé de la douloureuse mission de faire exécuter la sentence. Tous les ministres étaient réunis dans la salle de leur séance et comme frappés de consternation. Le tambour battait dans la capitale. Tous ceux qu'aucune obligation n'appelait à figurer dans cette terrible journée se cachaient chez eux. Les portes et les fenêtres étaient fermées et chacun attendait chez soi le triste événement. À 8 heures, le roi partit du temple. Des officiers de gendarmerie étaient placés sur le devant de la voiture. Ils étaient confondus de la piété et de la résignation de la victime. Une multitude armée formait la haie. La voiture s'avançait lentement au milieu du silence universel. On avait laissé un espace vide autour de l'échafaud. Des canons environnaient cet espace, et la ville populace, toujours prête à outrager le génie, la vertu et le malheur, se pressait derrière les rangs des fédérés et donnait seule quelques signes extérieurs de satisfaction. Les campagnes d'Italie forment, dans l'ouvrage de M. Thiers, un épisode à part qui suffirait seul pour assigner à l'auteur un rang élevé parmi les historiens. Après cet hommage sans réserve rendu au chef de l'école politique fataliste, il me sera peut-être loisible de hasarder des réflexions sur leur système parce qu'on en a étrangement abusé. Les écoliers, comme il arrive toujours, n'ayant point le talent des maîtres, croient les surpasser en exagérant leurs principes. Il s'est formé une petite secte de théoristes de terreur qui n'a d'autre but que la justification des excès révolutionnaires. Espèce d'architectes en ossements et en tête de mort, comme ceux qu'on trouve à Rome dans les catacombes. Tantôt les égorgements sont des conceptions pleines de génie, tantôt des drames terribles dont la grandeur couvre la sanglante turpitude. On transforme les événements en personnages. On ne vous dit pas « admirez Marat », mais admirez ses œuvres. Le meurtrier n'est pas beau, c'est le meurtre qui est divin. Les membres des comités révolutionnaires pouvaient être des assassins publics, mais leurs assassinats sont sublimes, car voyez les grandes choses qu'elles ont produites. Les hommes ne sont rien, les choses sont tout, et les choses ne sont point coupables. On disait autrefois « détestez le crime et pardonnez aux criminels ». Si l'on en croyait les parodistes de messieurs Thiers et Mignet, la maxime serait renversée, et il faudrait dire « détester le criminel » et « pardonner ». Que dis-je ? Pardonner, aimer, révérer le crime. Il faut que l'historien dans ce système raconte les plus grandes atrocités sans indignation et parle des plus hautes vertus sans amour. Que d'un œil glacé, il regarde la société comme soumise à certaines lois irrésistibles, de manière que chaque chose arrive comme elle devait inévitablement arriver. L'innocent ou l'homme de génie doit mourir, non pas parce qu'il est innocent ou homme de génie, mais parce que sa mort est nécessaire et que sa vie mettrait obstacle à un fait général placé dans la série des événements. La mort ici n'est rien, c'est l'accident plus ou moins pathétique. Besoin était que tel individu disparût pour l'avancement de telle chose, pour l'accomplissement de telle vérité. Il y a 1000 erreurs détestables dans ce système. La fatalité introduite dans les affaires humaines n'aurait pas même l'avantage de transporter à l'histoire l'intérêt de la fatalité tragique. Qu'un personnage sur la scène soit victime de l'inexorable destin, que malgré ses vertus il périsse, quelque chose de terrible résulte de ce ressort mis en mouvement par le poète. Mais que la société soit représentée comme une espèce de machine qui se meut aveuglément par des lois physiques latentes, qu'une révolution arrive par cela seul qu'elle doit arriver, que sous les roues de son char, comme sous celles du char de l'idole indienne, soient écrasés au hasard innocents et coupables, que l'indifférence ou la pitié soit la même à l'égard du vice et de la vertu. Cette fatalité de la chose, cette impartialité de l'homme sont hébétées et non tragiques. Ce niveau historique, loin de déceler la vigueur, ne trahit que l'impuissance de celui qui le promène sur les faits. J'ose dire que les deux historiens qui ont produit de si déplorables imitateurs étaient très supérieurs à l'opinion dont on a cru trouver le germe dans leurs ouvrages. Non, si l'on sépare la vérité morale des actions humaines, il n'est plus de règles pour juger ces actions. Si l'on retranche la vérité morale de la vérité politique, celle-ci reste sans base. Alors, il n'y a plus aucune raison de préférer la liberté à l'esclavage, l'ordre à l'anarchie. Mon intérêt, direz-vous, qui vous a dit que mon intérêt est l'ordre et la liberté? Si j'aime le pouvoir, moi, comme tant de révolutionnaires, si je veux bien abaisser ce que j'envie, mais si je ne me contente pas d'être un citoyen pauvre et obscur, au nom de quelle loi m'obligerez-vous à me courber sous le joug de vos idées? Par la force, mais si je suis le plus fort? En détruisant la vérité morale, vous me rendez à l'état de nature. Tout m'est permis, et vous êtes en contradiction avec vous-même quand vous venez, afin de me retenir, me parler de certaines nécessités que je ne reconnais pas. Ma règle et mon bras, vous l'avez déchaîné, je l'étendrai pour prendre ou frapper au gré de ma cupidité ou de ma haine. Grâce au ciel, il n'est pas vrai qu'un crime soit jamais utile, qu'une injustice soit jamais nécessaire. Ne disons pas que si dans les révolutions tel homme innocent ou illustre, opposé d'esprit à ces révolutions, n'avait péri, il en eût arrêté le cours, que le tout ne doit pas être sacrifié à la partie. Sans doute cet homme de vertu ou de génie eût pu ralentir le mouvement, mais l'injustice ou le crime accompli sur sa personne retarde 1000 fois plus ce même mouvement. Les souvenirs des excès révolutionnaires ont été et sont encore parmi nous les plus grands obstacles à l'établissement de la liberté. Si, taisant ce que la Révolution a fait de bien, ce qu'elle a détruit de préjugés, établi de liberté dans la France, on retraçait l'histoire de cette Révolution par ses crimes, sans ajouter un seul mot, une seule réflexion au texte, mettant seulement bout à bout toutes les horreurs qui se sont dites et perpétrées dans Paris et les provinces pendant 4 ans, cette tête de Méduse ferait reculer pour des siècles le genre humain jusqu'aux dernières bornes de la servitude. L'imagination épouvantée se refuserait à croire qu'il y ait eu quelque chose de bon caché sous ces attentats. C'est donc une étrange méprise que de glorifier ces attentats pour faire aimer la Révolution. Ce n'est point l'année 1793 et ses énormités qui ont produit la liberté. Ce temps d'anarchie n'a enfanté que le despotisme militaire. Ce despotisme durerait encore si celui qui avait rendu la gloire sa complice avait su mettre quelque modération dans les jouissances de la victoire. Le régime constitutionnel est sorti des entrailles de l'année 1789. Nous sommes revenus après de longs égarements au point de départ, mais combien de voyageurs sont restés sur la route ? Tout ce qu'on peut faire par la violence, on peut l'exécuter par la loi. Le peuple qui a la force de proscrire a la force de contraindre à l'obéissance sans proscription. S'il est jamais permis de transgresser la justice sous le prétexte du bien public, voyez où cela vous conduit. Vous êtes aujourd'hui le plus fort, vous tuez pour la liberté, l'égalité, la tolérance. Demain, vous serez le plus faible et l'on vous tuera pour la servitude, l'inégalité, le fanatisme. Qu'aurez-vous à dire ? Vous étiez un obstacle à la chose qu'on voulait, il a fallu vous faire disparaître. Fâcheuse nécessité, sans doute, mais enfin nécessité. Ce sont là vos principes. Subissez-en la conséquence. Marius répandait le sang au nom de la démocratie, Sylla au nom de l'aristocratie. Antoine, Lépide et Auguste trouvèrent utile de décimer les têtes qui rêvaient encore la liberté romaine. Ne blâmons plus les égorgeurs de la Saint-Barthélemy. Ils étaient obligés, bien malgré eux, sans doute, d'ainsi faire pour arriver à leur but. Il n'a péri, dit-on, que 6 000 victimes par les tribunaux révolutionnaires. C'est peu. Reprenons les choses à leur origine. Le premier numéro du bulletin des lois contient le décret qui institue le tribunal révolutionnaire. On maintient ce décret à la tête de ce recueil, non pas, je suppose, pour en faire usage en temps et lieu, mais comme une inscription redoutable gravée au fronton du temple des lois pour épouvanter le législateur et lui inspirer l'horreur de l'injustice. Ce décret prononce que la seule peine portée par le tribunal révolutionnaire est la peine de mort. L'article 9 autorise tout citoyen à saisir et à conduire devant les magistrats, les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. L'article 13 dispense de la preuve testimoniale et l'article 16 prive de défenseurs les conspirateurs. Ce tribunal était sans appel. Voilà d'abord la grande base sur laquelle il nous faut asseoir notre admiration. Honneur à l'équité révolutionnaire, honneur à la justice de la caverne. Maintenant, compulsons les actes émanés de cette justice. Le républicain Prudhomme, qui ne haïssait pas la révolution et qui a écrit lorsque le sang était encore chaud, nous a laissé 6 volumes de détails. 2 de ces 6 volumes sont consacrés à un dictionnaire où chaque criminel se trouve inscrit à sa lettre alphabétique, avec ses noms, prénoms, âge, lieu de naissance, qualité, domicile, profession, date et motif de la condamnation, jour et lieu de l'exécution. On y trouve, parmi les guillotinés, 18 613 victimes ainsi réparties. 6 devant nobles, 1 278. Femmes, idem, 730. Femmes de laboureurs et d'artisans, 1 467. Religieuses, 350. Prêtres, 1 135. Hommes non nobles de divers états, 13 633. Total, 18 613. Femmes mortes par suite de couches prématurées, 3 400. Femmes enceintes et en couches, 348. Femmes tuées dans la Vendée, 13 000. Enfants, idem, 22 000. Morts dans la Vendée, 900 000. Victimes sous le proconsulat de Carrier à Nantes, 32 000. Dont enfants fusillés, 500. Enfants noyés, 1 500. Femmes fusillées, 264. Femmes noyées, 500. Prêtres fusillés, 300. Prêtres noyés, 460. Nobles noyés, 1 400. Artisans noyés, 5 300. Victimes à Lyon, 31 000. Dans ces nombres ne sont point compris les massacrés à Versailles, au Carme, à l'Abbaye, à la glacière d'Avignon, les fusillés de Toulon et de Marseille après les sièges de ces deux villes, et les égorgés de la petite ville provençale de Bédouin, dont la population périt tout entière. Pour l'exécution de la loi des suspects du 21 septembre 1793, plus de 50 000 comités révolutionnaires furent installés sur la surface de la France. D'après les calculs du conventionnel Cambon, ils coûtaient annuellement 591 millions à Signan. Chaque membre de ces comités recevait 3 francs par jour et ils étaient 540 000. C'était 540 000 accusateurs ayant droit de désigner à la mort. À Paris seulement, on comptait 60 comités révolutionnaires. Chacun d'eux avait sa prison pour la détention des suspects. Vous remarquerez que ce ne sont pas seulement des nobles, des prêtres, des religieux qui figurent ici dans le registre mortuaire. S'il ne s'agissait que de ces gens-là, la terreur serait véritablement la vertu. Canaille, sotte espèce. Mais voilà 18 923 hommes non nobles de divers états et 2 231 femmes de laboureurs ou d'artisans, 2 000 enfants guillotinés, noyés et fusillés. À Bordeaux, on exécutait pour crime de négociantisme. Des femmes, mais savez-vous que dans aucun pays, dans aucun temps, chez aucune nation de la terre, dans aucune proscription politique, les femmes n'ont été livrées aux bourreaux, si ce n'est quelques têtes isolées à Rome sous les empereurs, en Angleterre sous Henri VIII, la reine Marie et Jacques II. La terreur a seule donné au monde le lâche et impitoyable spectacle de l'assassinat juridique des femmes et des enfants en masse. Le Girondin Riouf, prisonnier avec Vergniaud, Madame Roland et leurs amis à la conciergerie, rapporte ce qui suit dans ses mémoires d'un détenu. Les femmes les plus belles, les plus jeunes, les plus intéressantes, tombaient pêle-mêle dans ce gouffre, l'abbaye, dont elles sortaient pour aller par douzaines inonder l'échafaud de leur sang. On eût dit que le gouvernement était dans les mains de ces hommes dépravés qui, non contents d'insulter au sexe par des goûts monstrueux, lui voûtent encore une haine implacable. De jeunes femmes enceintes, d'autres qui venaient d'accoucher et qui étaient encore dans cet état de faiblesse et de pâleur qui suit ce grand travail de la nature qui serait respecté par les peuples les plus sauvages. D'autres dont le lait s'était arrêté tout à coup, ou par frayeur ou parce qu'on avait arraché leurs enfants de leur sein, étaient jour et nuit précipitées dans cet abîme. Elles arrivaient traînées de cachot en cachot, leurs faibles mains comprimées par d'indignes fers. On en a vu qui avaient un collier au cou. Elles entraient, les unes évanouies et portées dans les bras des guichetiers qui en riaient. D'autres, en état de stupéfaction, qui les rendaient presque imbéciles. Vers les derniers mois, surtout, avant le 9 Thermidor, c'était l'activité des enfers. Jour et nuit, les verrous s'agitaient. 60 personnes arrivaient le soir pour aller à l'échafaud le lendemain. Elles étaient remplacées par 100 autres que le même sort attendait le jour suivant. 14 jeunes filles de Verdun, d'une candeur sans exemple, et qui avaient l'air de jeunes vierges préparées pour une fête publique, furent menées ensemble à l'échafaud. Elles disparurent tout à coup et furent moissonnées dans leur printemps. La cour des femmes avait l'air, le lendemain de leur mort, d'un parterre dégarni de ses fleurs par un orage. Je n'ai jamais vu parmi nous de désespoir pareil à celui qu'excita cette barbarie. 20 femmes de Poitou, pauvres paysannes pour la plupart, furent également assassinées ensemble. Je les vois encore, ces malheureuses victimes, je les vois étendues dans la cour de la conciergerie, accablées de la fatigue d'une longue route et dormant sur le pavé. Au moment d'aller au supplice, on arracha du sein d'une de ces infortunées un enfant qu'elle nourrissait et qui, au moment même, s'abreuvait d'un lait dont le bourreau allait tarir la source. Au cri de la douleur maternelle que vous faites aiguë, mais sans effet. Quelques femmes sont mortes dans la charrette et on a guillotiné leurs cadavres. N'ai-je pas vu, peu de jours avant le 9 Thermidor, d'autres femmes traînées à la mort? Elles s'étaient déclarées enceintes. Et ce sont des hommes, des Français, à qui leurs philosophes les plus éloquents prêchent depuis 60 années l'humanité et la tolérance. Déjà, un aqueduc immense qui devait voiturer du sang avait été creusé à la place Saint-Antoine. Disons-le, quelque horrible qu'il soit de le dire, tous les jours le sang humain se puisait par seaux, et 4 hommes étaient occupés au moment de l'exécution à les vider dans cet aqueduc. C'était vers 3 heures après-midi que ces longues processions de victimes descendaient au tribunal et traversaient lentement sous de longues voûtes au milieu des prisonniers qui se rangeaient en haie pour les voir passer avec une avidité sans pareille. J'ai vu 45 magistrats du Parlement de Paris, 33 du Parlement de Toulouse, allant à la mort du même air qu'ils marchaient autrefois aux cérémonies publiques. J'ai vu 30 fermiers généraux passer d'un pas calme et ferme. Les 25 premiers négociants de Sedan plaignant en allant à la mort 10 000 ouvriers qu'ils laissaient sans pain. J'ai vu ce baisseur, l'effroi des rebelles de la Vendée, et le plus bel homme de guerre qu'eut la France. J'ai vu tous ces généraux que la victoire venait de couvrir de lauriers, qu'on changeait soudain en cyprès. Enfin, tous ces jeunes militaires si forts, si vigoureux, ils marchaient silencieusement, ils ne savaient que mourir. Prudhomme va compléter ce tableau. La mission de Lebon dans les départements frontières du Nord peut être comparée à l'apparition de ces noires furies si redoutées dans les temps du paganisme. Dans les jours de fête, l'orchestre était placé à côté de l'échafaud. Lebon disait aux jeunes filles qui s'y trouvaient « Suivez la voie de la nature, livrez-vous, abandonnez-vous dans les bras de vos amants. » Des enfants qu'il avait corrompus lui formaient une garde et étaient les espions de leurs parents. Quelques-uns avaient de petites guillotines avec lesquelles ils s'amusaient à donner la mort à des oiseaux et à des souris. On sait que Lebon, après avoir abusé d'une femme qui s'était livrée à lui pour sauver son mari, fit mourir cet homme sous les yeux de cette femme à laquelle il ne resta que l'horreur de son sacrifice. Genre d'atrocité si répétée d'ailleurs que Prudhomme dit qu'on ne les saurait compter. Carrier se distingua à Nantes. Environ 80 femmes extraites de l'entrepôt, traduites à ce champ de carnage, y furent fusillées. Ensuite, on les dépouilla et leurs corps restèrent ainsi épars pendant 3 jours. 500 enfants des deux sexes, dont les plus âgés avaient 14 ans, sont conduits au même endroit pour y être fusillés. Jamais spectacle ne fut plus attendrissant et plus effroyable. La petitesse de leur taille en met plusieurs à l'abri des coups de feu. Ils délient leurs liens, s'éparpillent jusque dans les bataillons de leurs bourreaux, cherchent un refuge entre leurs jambes, qu'ils embrassent fortement, en levant vers eux leur visage où se peignent à la fois l'innocence et l'effroi. Rien ne fait impression sur ces exterminateurs. Ils les égorgent à leurs pieds. Noyades à Nantes. Une quantité de femmes, la plupart enceintes, et d'autres pressant leurs nourrissons sur leurs seins, sont menées à bord des gabarres. Les innocentes caressent, le sourire de ces tendres victimes verse dans l'âme de ces mères éplorées un sentiment qui achève de déchirer leurs entrailles. Elles répondent avec vivacité à leurs tendres caresses en songeant que c'est pour la dernière fois. Une d'elles venait d'accoucher sur la grève. Les bourreaux lui donnent à peine le temps de terminer ce grand travail. Ils avancent, toutes sont amoncelées dans la gabarre et après les avoir dépouillées à nu, on leur attache les mains derrière le dos. Les cris les plus aigus, les reproches les plus amers de ces malheureuses mères se font entendre de toutes parts contre les bourreaux. Fouquet, Robin et Lamberti y répondaient à coups de sabre, et la timide beauté, déjà assez occupée à cacher sa nudité au monstre qui l'outrage, détourne en frémissant ses regards de sa compagne défigurée par le sang, et qui déjà chancelante vient rendre le dernier soupir à ses pieds. Mais le signal est donné, les charpentiers d'un coup de hache lèvent les sabords, et l'onde les ensevelit pour jamais. Et voilà l'objet de vos hymnes, des milliers d'exécutions en moins de 3 années, en vertu d'une loi qui privait les accusés de témoins, de défenseurs et d'appels. Songez-vous que le souvenir d'une seule condamnation inique, celle de Socrate, a traversé 20 siècles pour flétrir les juges et les bourreaux. Pour entonner le chant de triomphe, il faudrait du moins attendre que les pères et les mères, les femmes et les enfants, les frères et les sœurs des victimes fussent morts. Ils couvrent encore la France. Femmes, bourgeois, négociants, magistrats, paysans, soldats, généraux, immense majorité plébéienne sur laquelle est tombée la terreur. Vous plaît-il de fournir de nouveaux aliments à ce merveilleux spectacle ? On dit, une révolution est une bataille, comparaison défectueuse. Sur un champ de bataille, si on reçoit la mort, on la donne. Les deux parties ont les armes à la main. L'exécuteur des hautes œuvres combat sans péril. Lui seul tient la corde ou le glaive. On lui amène l'ennemi garrotté. Je ne sache pas qu'on ait jamais appelé duel ce qui se passait entre Louis XVI, la jeune fille de Verdun, Bailly, André Chénier, le vieillard Malesherbes et le bourreau. Le voleur qui m'attend au coin d'un bois joue du moins sa vie contre la mienne. Mais le révolutionnaire qui, du sein de la débauche, après s'être vendu tantôt à la cour, tantôt au parti républicain, envoyait à la place du supplice des tombereaux remplis de femmes, quel risque courait-il avec ses faibles adversaires ? Les prodiges de nos soldats ne furent point l'œuvre de la terreur. Ils tinrent à l'esprit militaire des Français, qui se réveillera toujours au son de la trompette. Ce ne furent point les commissaires de la Convention et les guillotines à la suite des victoires qui rétablirent la discipline dans les armées, ce furent les armées qui rapportèrent l'ordre dans la France. La preuve que ce temps mauvais n'avait rien de supérieur propre à être reproduit, c'est qu'il serait impossible de le faire renaître. Les émeutes, les massacres populaires sont de tous les siècles, de tous les pays. mais une organisation complète de meurtres appelés légaux, des tribunaux jugeant à mort dans toutes les villes, des assassins affiliés dépouillant leurs victimes et les conduisant presque sans gardes au supplice. C'est ce qu'on n'a vu qu'une fois, c'est ce qu'on ne reverra jamais. Aujourd'hui, les individus résisteraient, chacun se défendrait dans sa maison, sur son champ, dans la prison, au supplice même. La terreur ne fut point une invention de quelques géants, ce fut tout simplement une maladie morale, une peste. Un médecin, dans son amour de l'art, s'écriait plein de joie, « On a retrouvé la lèpre ». On ne retrouvera pas la terreur. N'apprenons point au peuple à choyer les crimes. Ne nous donnons point pour une nation d'ogres qui lèche comme le lion avec délice ses mâchoires ensanglantées. Le système de la terreur poussé à l'extrême n'est autre que la conquête accomplie par l'extermination. Or, on ne peut jamais consumer assez vite tous les holocaustes pour que l'horreur qu'ils inspirent ne soulève pas jusqu'aux allumeurs de bûchers. La même admiration que l'on accorde à la terreur, on la prodigue aux terroristes avec aussi peu de raison. Ceux qui les ont vus de près savent que la plupart d'entre eux n'étaient que des misérables, dont la capacité ne s'élevait pas au-dessus de l'esprit le plus vulgaire. Héros de la peur, ils tuaient dans la crainte d'être tués. Loin d'avoir ces desseins profonds qu'on leur suppose aujourd'hui, ils marchaient sans savoir où ils allaient, jouer de leur ivresse et des événements. On a prêté de l'intelligence à des instincts matériels. On a forgé la théorie d'après la pratique. On a tiré la poétique du poème. Si même quelques-uns de ces stupides démons ont par hasard mêlé quelques qualités à leurs vices, ces dons stériles ressemblaient aux fruits qui se détachent de la branche et pourrissent au pied de l'arbre qui les a portés. Un vrai terroriste n'est qu'un homme mutilé, privé comme l'eunuque de la faculté d'aimer et de renaître. C'est son impuissance dont on a voulu faire du génie. Que dans la fièvre révolutionnaire, il se soit trouvé d'atroces sycophantes engraissées de sang, comme ces vermines immondes qui pullulent dans les voiries, que des sorcières plus sales que celles de Macbeth aient dansé en rond autour du chaudron où l'on faisait bouillir les membres déchirés de la France, soit. Mais que l'on rencontre aujourd'hui des hommes qui, dans une société paisible et bien ordonnée, se constituent les mielleux apologistes de ces brutales orgies. Des hommes qui parfument et couronnent de fleurs un baquet où tombaient les têtes à couronne ou à bonnet rouge. Des hommes qui enseignent la logique du meurtre, qui se font maîtres arts de massacre, comme il y a des professeurs d'escrime. Voilà ce qui ne se comprend pas. Défions-nous de ce mouvement d'amour-propre qui nous fait croire à la supériorité de notre esprit, à la fortitude de notre âme, parce que nous envisageons de sang-froid les plus épouvantables catastrophes. Le bourreau manie des troncs palpitants sans en être ému. Cela prouve-t-il la fermeté de son caractère et la grandeur de son intelligence? Quand le plus vil des peuples, quand les Romains du temps de l'Empire couraient au spectacle des gladiateurs, quand 20 000 prisonniers s'égorgeaient pour amuser un Néron entouré de prostituées toutes nues, n'était-ce pas là de la terreur sur une grande échelle? Le mot changera-t-il le fait? Faudra-t-il trouver horrible au nom de la tyrannie ce qu'on trouverait admirable au nom de la liberté? Placer la fatalité dans l'histoire, c'est se débarrasser de la peine de penser, s'épargner l'embarras de rechercher la cause des événements. Il y a bien autrement de puissance à montrer comment la déviation des principes de la morale et de la justice a produit des malheurs, mais comment ces malheurs ont enfanté des libertés par le retour à la morale et à la justice. Il y a certes en cela bien plus de puissance qu'à mettre la société sous de gros pilons qui réduisent en pâte ou en poudre les choses et les hommes. Il ne faut que lâcher l'écluse des passions, et les pilons vont se levant et retombant. Quant à moi, je ne me sens aucun enthousiasme pour une hache. J'ai vu porter des têtes au bout d'une pique, et j'affirme que cet effort l'est. J'ai rencontré quelques-unes de ces vastes capacités qui faisaient promener ces têtes. Je déclare qu'il n'y avait rien de moins vaste. Le monde les menait, et elles croyaient mener le monde. Un des plus fameux révolutionnaires à moi connus était un homme léger, bavard, d'un esprit court, et qui, privé de cœur de toute façon, en manquait dans le péril. Les écarisseurs de chair humaine ne m'imposent point. En vain, ils me diront que dans leur fabrique de pourriture et de sang, ils tirent d'excellents ingrédients des carcasses industriellement pilées. manufacturier de cadavres. Vous aurez beau broyer la mort, vous n'en ferez jamais sortir un germe de liberté, un grain de vertu, une étincelle de génie. Que les théoriciens de terreur gardent donc, s'ils le veulent, leur fanatisme à la glace, lequel leur fournit deux ou trois phrases inexplicables de nécessité, de mouvement, de force progressive, sous lesquelles ils cachent le vide de leur pensée. Je ne les lirai plus, mais je relirai les deux historiens qu'ils ont pris si mal à propos pour guides, et dont le talent me fera oublier leurs infimes et sauvages imitateurs. Au surplus, un auteur à qui la liberté doit beaucoup, le dernier orateur de ces générations constitutionnelles qui finissent, un homme dont la tombe récente doit augmenter l'autorité, M. Benjamin Constant, a combattu avant moi ces dogmatiques de terreur. Il faut lire tout entier dans ces mélanges de littérature et de politique l'article dont je ne citerai que ce passage. La terreur n'a produit aucun bien. À côté d'elle a existé ce qui était indispensable à tout gouvernement, mais ce qui aurait existé sans elle et ce qu'elle a corrompu et empoisonné en s'y mêlant. Ce régime abominable n'a point, comme on l'a dit, préparé le peuple à la liberté. Il l'a préparé à subir un joug quelconque. Il a courbé les têtes, mais en dégradant les esprits, en flétrissant les cœurs. Il a servi pendant sa durée les amis de l'anarchie, et son souvenir sert maintenant les amis de l'esclavage et de l'avilissement de l'espèce humaine. Je n'aurais pas rappelé de tristes souvenirs si je n'avais pensé qu'il importait à la France, quelles que soient désormais ses destinées, de ne pas voir confondre ce qui est digne d'admiration et ce qui n'est digne que d'horreur. Justifier le régime de 1793, peindre des forfaits et du délire comme une nécessité qui pèse sur les peuples, toutes les fois qu'ils essaient d'être libres, c'est nuire à une cause sacrée, plus que ne lui nuiraient les attaques de ses ennemis les plus déclarés. Séparez donc soigneusement les époques et les actes, flétrissez ce qui est éternellement coupable, ne recourez pas à une métaphysique abstraite et subtile pour prêter à des attentats l'excuse d'une fatalité irrésistible qui n'existe pas. N'ôtez pas à vos jugements toute autorité, à vos hommages toute valeur. Une pensée doit nous consoler, c'est que le régime de la terreur ne peut renaître non seulement, comme je l'ai dit, parce que personne ne s'y soumettrait, mais encore parce que les causes et les circonstances qui l'ont produit ont disparu. En 1793, il y avait à jeter à terre l'immense édifice du passé, à faire la conquête des idées, des institutions, des propriétés. On conçoit comment un système de meurtre, appliqué ainsi qu'un levier à la démolition d'un monument colossal, pouvait sembler une force nécessaire à nos esprits pervers. Mais tout est renversé aujourd'hui, tout est conquis, idées, institutions, propriétés. De quoi s'agit-il maintenant ? D'une forme politique un peu plus ou un peu moins républicaine, de quelques lois à abolir ou à publier, de quelques hommes à remplacer par quelques autres. Or, pour d'aussi minces résultats, qui ne rencontrent aucune résistance collective, qui ne blessent aucune classe particulière de la société, il n'est pas besoin de mettre une nation en coupe réglée. On ne fait point de la terreur a priori. La terreur ne fut point un plan combiné et annoncé d'avance. Elle vint peu à peu avec les événements. Elle commença par les assassinats privés et désordonnés de 1789, 1790, 1791, 1792, pour arriver aux assassinats publics et réguliers de 1793. Les terroristes ne savaient pas d'avance qu'ils étaient des terroristes. Nos terroristes de théorie nous crient « Oyez, nous sommes des terroristes barbus ou imberbes, nous. Nous allons établir une superbe terreur. Venez, que nous vous coupions le cou. Nous sommes des hommes énergiques, nous. Le génie est notre fort. » Ces parodistes de terreur, ces terroristes de mélodrame, bien capables sans doute de vous tuer si vous les en défiez, pour la preuve et l'honneur de la chose, seraient incapables de maintenir 3 jours en permanence l'instrument de mort qui retomberait sur eux. Fin de la section 21.